actes humains, désintégrer tout ce qui suinte, laisser une place pour quelque chose d'autre qui tendrait vraiment vers le mieux. J'ai mal. Lorsque je respire, j'ai la sensation qu'on m'enfonce un objet pointu dans le plexus. Je sens monter une bouffée d'angoisse. Toujours la même chose. Un être vous hait et la terre entière vous veut du mal. Il suffit d'une insulte pour voir partout les faces grimaçantes qui se moquent de vous. Combien sont-ils actuellement à mener en bateau, à se foutre de ma gueule, à me brosser dans le sens du poil pour que le jeu continue? J'entrouvre une fenêtre et j'entends des ricanements. Dans la boîte aux lettres, un prospectus pour un stage d'amincissement. Et je me torture toute la journée pour savoir qui est l'enculé. Et tous ces gens qui font des captures écran dès que j'apparais, gras, naïf et blanc, sur un fauteuil allumé, qui pue la sueur, le foutre et la merde, même à travers la webcam. Non, reste, chien. Le chien, il merde devant ta porte. Ça serait bien. Alors on s'en paye une bonne tranche sur le dos de la bête, on se marre, on rigole, mais c'est toujours aux dépens de quelqu'un. Je t'interdis de dire ça. Il y a des koalas qui disparaissent et personne ne les retrouve jamais. Arrête! Allez, c'est bon. L'éléphant clown de service met les voiles. Non? Si, ciao. Non, je voulais pas te dire que je craque pour toi. Allez, dis au revoir au monsieur rigolo. Tu veux pas dire au revoir au monsieur rigolo? Pourtant il est marrant, il t'a bien fait rire le monsieur rigolo. Arrête, dis pas ça, c'est pas ça. Dis-lui au revoir, monsieur rigolo, allez. Il te fait peur, le monsieur rigolo? C'est à cause de son maquillage? À cause de ce qu'il y a dessous? Parce qu'il pleure aussi parfois, tu n'y pensais pas? Je t'aime. Oui, c'est ça. Regarde bien son nez rouge, t'es pas prêt de le revoir.